Dis-moi, camarade, camarade, quel jeune âge camarade. donnez-vous? Assassinez-moi, camarade, quel jeune âge donnez-vous? À me détruire tous mes biens. Je ne vois plus que des vautours. Merci. Thank you.